Rien de tel qu'un anniversaire ou une commémoration pour replonger dans les racines de l'histoire des sciences et démêler le mythe de la réalité historique. Marie Curie est donc née Maria Sklodowska il y a 150 ans à Varsovie, double prix Nobel de physique puis de chimie. Pour ses travaux sur le radium, Marie Curie s'inscrit en pleine révolution scientifique et positiviste du début du XXe siècle. La carrière de Marie Curie est également portée par la volonté de transmission, première femme professeure à la Sorbonne, ce qui fera écrire à un journaliste de l'époque « En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains ». Marie Curie, une intelligence irradiante, c'est l'histoire qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour retracer cette histoire scientifique et personnelle, nous avons le plaisir, l'immense plaisir que dis-je, d'accueillir aujourd'hui Jacqueline Belloni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite à l'Université Paris-Sud au laboratoire de chimie physique ELISE. Vous avez notamment travaillé à l'Institut Curie de 1956 à 1971. Nous avons également le grand plaisir de recevoir Nathalie Huchette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'action culturelle et de la communication au musée Curie. Vous avez évidemment, comme chaque jour, l'occasion de suivre cette émission sur les ondes, en podcast et sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Dans ce laboratoire de fortune, nous avons travaillé presque sans aide pendant 2 ans, nous occupant en commun aussi bien du travail chimique que de l'étude du rayonnement des produits de plus en plus actifs que nous obtenions. Ensuite, il a fallu séparer nos efforts. Pierre Curie continua les recherches sur les propriétés du radium, tandis que je poursuivais les traitements chimiques en vue de la préparation de sel de radium pur. J'ai été amené à traiter jusqu'à 20 kg de matière à la fois. J'extrayais du minerai le barium radifère, et celui-ci, à l'état de chlorure, était soumis à une cristallisation fractionnée. Le radium s'accumulait dans les portions les moins solubles, et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium pur. Voilà, extrait du journal de Marie Curie et de sa manipulation de séparation du radium pur dont nous allons reparler au cours de cette émission. Ça a été lu par la comédienne Maria Cazares. Alors revenons donc au parcours de Marie Curie. Je l'ai dit dans l'introduction, seule femme à avoir obtenu 2 prix Nobel au cours de sa carrière. L'une des rares femmes d'ailleurs à en avoir obtenu tout court. On en parlait autour de cette table il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que le mythe autour du personnage a selon vous le plus déformé pour l'une et pour l'autre par rapport au parcours de la scientifique que vous connaissez l'une et l'autre, Jacqueline Belloni? Qu'est-ce qui a le plus été déformé? Qu'est-ce que le mythe a retenu peut-être de façon impropre de Marie Curie, oui. Ou quelle est l'image d'Épinal qu'on en a gardée, voilà, qui n'est pas peut-être tout à fait celle qui correspond à la femme que vous connaissez? Enfin, que vous connaissez pour avoir travaillé dans son sillage. Voilà, c'est ça. Ce que le mythe retient, bien sûr, c'est finalement ce paradoxe d'une femme plutôt fragile, qu'on considérait comme fragile à l'époque, évidemment, et en train de manipuler des quantités de minerais absolument énormes, un travail harassant, c'est certain, c'est absolument certain, et je pense qu'il est plus facile pour l'image d'Épinal de se souvenir de cela que de l'intelligence qu'elle a pu mettre au service de sa recherche. Et bien sûr, c'est plus facile et d'essayer de comprendre toutes les astuces qui ont été employées pour arriver au résultat avec Pierre Curie. Donc voilà, ce que le mythe déforme, c'est qu'on retient, ça c'est l'image Épinal, quoi. Selon vous, Nathalie Huchette? Pour moi, le mythe qu'on retient, effectivement, c'est l'image de cette femme fragile, et aussi quand on regarde les photos de l'époque, une femme qui a l'air un peu austère, et également l'image de l'idée qu'elle s'est sacrifiée pour la science, qu'elle en est morte. Moi, je préfère retenir, et c'est ce qu'on a aussi voulu montrer dans cette exposition, l'image d'une femme qui était passionnée passionnée par la recherche, par la science et qui est allée au bout de cette passion. Et par l'envie de transmettre, on va en parler. Et aussi également cette dimension de transmission de cette envie de connaissance et cette belle idée d'une science désintéressée qui doit servir à l'humanité et au progrès social. Alors on va précisément démolir le mythe à coups de burin pour retrouver derrière la fresque originale, c'est ce que nous allons tenter de faire au cours de cette heure. Repartons peut-être depuis le début, il est toujours intéressant d'interroger la notion de vocation, qu'est-ce qui conduit une personne à un moment donné à se consacrer à ce domaine de recherche et à aboutir à ces révolutions scientifiques ou technologiques, en l'occurrence pour Marie Curie, ces révolutions en termes de conception de la matière, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue chimique. Peut-être on peut recommencer avec vous sur justement le début de sa vie en Pologne, sa naissance donc le 7 novembre 1867 à Varsovie. Vous pouvez peut-être nous dire un peu quelque chose de son contexte familial, qui est déjà un contexte d'instruit, un contexte scientifique. Alors donc oui, elle est née à Varsovie, en Pologne. Alors la Pologne n'existait pas en tant que telle. Varsovie était sous domination russe. Elle a grandi dans une famille de 5 enfants. Ses parents étaient très patriotes, des enseignants. Son père était professeur de sciences. Sa mère a dirigé un pensionnat de jeunes filles. Elle perd assez jeune sa sœur aînée et à l'âge de 10 ans, sa mère. Et ensuite, donc, elle est élevée dans une famille où l'éducation, et notamment l'éducation égalitaire entre les filles et les garçons, est très importante, parce que c'est cette idée aussi que c'est la vraie liberté, en fait. Ce qu'on a dans la tête, ça, on ne pourra jamais vous le prendre. Et donc, elle grandit dans cet état d'esprit. On peut préciser que son père était professeur de mathématiques et de physique. Oui, voilà. Ce qui a peut-être d'importance, et rappeler que très tôt que Marie Curie est une élève brillante, hein, qu'elle obtient ses diplômes en avance, qu'elle souhaite poursuivre des études supérieures, mais à l'époque en Pologne, l'université est encore interdite aux femmes. L'université à l'époque en Pologne est interdite aux femmes, et donc la jeune Maria Sklodowska a le désir de faire des études supérieures. Alors à cette époque, elle s'intéresse à tout type de domaine, hein, aussi bien aux sciences qu'à l'histoire, la géographie, la littérature. Et elle va suivre des cours d'une université clandestine qui s'appelle l'université volante. C'est interdit, c'est dangereux. Il y a sa sœur également, son aînée, Bronia, qui suit cette université. Et toutes deux, parce qu'il faut aussi parler de Bronia, sa sœur, dans cette histoire, toutes deux ont le désir de suivre des études supérieures, d'aller à l'université. Et elles vont imaginer un pacte, ces deux sœurs, une sorte de pacte pour pouvoir aller faire des études là où c'est possible pour les filles. Donc à Paris, puisque c'est Bronia la première. C'est Bronia la première qui part à Paris. Et on a retrouvé un des lettres de Marie qui lui dit « S'il te plaît, accueille-moi à Paris, je pourrais dormir n'importe où, même par terre. Donne-moi juste un petit bout à manger, Jacqueline Belloni. » Oui, mais auparavant, il fallait aussi survivre. Mmh. Et donc, certes, Bronia est partie là-bas la première, mais pour Marie, il fallait attendre que sa sœur ait réussi à avoir ses diplômes avant de penser à venir à Paris. Mmh. Et dans l'intervalle, elle s'est, on peut dire, un peu sacrifiée, parce que quand même, elle était comme gouvernante, répétitrice pour des familles bon, un peu aisées, parfois loin de Varsovie, loin de son père par conséquent. Et je pense qu'on peut dire qu'elle s'est là un peu, quand même, elle a attendu très très patiemment, tout en essayant de lire, de ne pas perdre non plus ses connaissances, de lire, de grandir aussi. Et finalement, elle a pu arriver à Paris. Arrivée à Paris, on passe un peu rapidement, parce que j'aimerais évidemment qu'on se concentre sur ses premiers travaux, sur sa rencontre avec Pierre Curie, mais tout de même pour dire qu'elle va s'inscrire à la faculté de sciences de l'Université de Paris, où non seulement elle est reçue première à sa licence de physique, mais elle enchaîne sur une licence de mathématiques dont elle sort deuxième, ce qui dit quelque chose de ses capacités intellectuelles. Oui, voilà, elle réussit brillamment des études à la Sorbonne, comme vous l'avez dit, licence de physique et licence de mathématiques. Et je voudrais juste revenir sur sa vocation scientifique, puisqu'on a évoqué ça. En fait, effectivement, quand elle était encore en Pologne et qu'elle a pu subvenir aux études de sa sœur, qui elle était à Paris et faisait la faculté de médecine, elle a été préceptrice dans une famille d'exploitants qui exploitaient la betterave sucrière. Et des biographies récentes pensent que c'est à ce moment-là, puisqu'elle avait du temps à perdre et qu'elle allait voir les ingénieurs de la raffinerie sucrière et qu'elle a appris par cœur des traités de physique et de chimie, et c'est là qu'est vraiment venu son désir d'étudier plus spécifiquement la physique, les sciences. Jacqueline Belloni. Oui, il faut dire que à cette époque, elle pensait plutôt devenir une enseignante, parce que la recherche est revenir auprès de son père qui vieillissait. Et devenir une enseignante. Elle encourageait quand même son frère à faire de la recherche. Donc, ce mot de recherche n'était pas inconnu dans la famille, c'est certain. Mais c'est quand même un métier un peu différent. Elle n'y pensait pas tellement encore pour elle-même. Et même lorsqu'elle a rencontré Pierre Curie un peu plus tard, elle pensait encore revenir en Pologne comme enseignante. C'était son projet. Absolument, absolument. Mais bon, on sait comment les choses ont évolué, la rencontre avec Pierre, et je pense aussi ses professeurs, dont Lippmann, qui ont détecté quand même une étudiante parmi les autres étudiants masculins, qui était quand même exceptionnelle. Et je pense que très vite, puisque Lippmann lui a proposé quand même de faire un contrat de recherche, qui était plutôt de la physique, sur les aciers, le magnétisme des aciers. Oui, c'est ça. Ses premiers travaux de recherche portent sur les propriétés magnétiques des aciers. Oui. Voilà. Et donc, avec une petite bourse, bien entendu, pour survivre. Hein. Donc, ça a été son premier pas dans la recherche, vraiment. Et puis, la rencontre, donc, avec Pierre. Vous venez de le dire, Jacqueline Belloni, ses premiers travaux de recherche sur les propriétés magnétiques des aciers. Peut-être qu'on peut refaire un petit peu de contexte scientifique. On est au tournant du 19e et du 20e siècle. On est dans un grand tournant paradigmatique pour la science, pour la physique, pour la chimie. L'électromagnétisme de Maxwell, les équations de Maxwell datent d'il y a assez peu et ça suscite un nombre de vocations. C'est sûr. Mais là, il s'agissait d'un travail plus pour l'industrie. Hein, c'était une étude systématique d'aciers trempés, enfin de provenance très très très variée, et elle a appris là, je pense qu'on la reconnaît, c'est-à-dire faire un travail systématique, d'étudier tout le plus possible d'échantillons qui lui étaient soumis, pour les comparer, réfléchir, pourquoi, etc. Donc on voit là déjà la réflexion et d'ailleurs le rapport sur ce travail est signé d'elle-même. Il n'est pas signé avec Lippmann, il est signé d'elle-même. Et donc on reconnaît très bien son, ce qu'on pourrait déjà dire, sa méthode scientifique. Bien sûr. C'est-à-dire sa démarche et surtout sa ténacité pour... finalement, en peu de temps, faire une étude assez complète. On va plonger donc dans ces études et reparler effectivement de tous ces travaux, parce qu'on parle évidemment, on pointe, et encore une fois, la mythologie a retenu Marie Curie comme à la racine de la radioactivité, mais évidemment elle s'inscrit dans une continuité de recherche scientifique qu'on va évoquer dans un instant. On ne peut pas parler de Maria Sklodowska sans parler de Pierre Curie, de sa rencontre, mariage en 1895, dire un mot de Pierre Curie, parce que Pierre et Marie Curie ont été un couple de chercheurs dont les travaux se sont auto-alimentés l'un l'autre et qui n'auraient certainement pas pu arriver là où ils sont arrivés l'un sans l'autre. Oui, alors justement, c'est dans le cadre de cette recherche, ce premier travail de recherche sur le magnétisme des aciers trempés, qu'elle va rencontrer Pierre Curie, qui à l'époque enseigne la physique à l'école de physique et de chimie industrielle. Et Pierre Curie va tomber sous le charme de cette jeune polonaise, étudiante polonaise, qui partage la même passion que lui pour la science et ce qu'elle peut apporter à la société. À l'époque, il n'avait pas du tout l'intention de se marier, il pensait que c'était une perte de temps. Et effectivement, elle avait entre-temps le projet de retourner dans son pays natal pour devenir enseignante là-bas, mais il va lui écrire une magnifique lettre où il lui propose de rester en France, puisqu'elle pourra là travailler et continuer des recherches. Pierre Curie, dont on peut dire aussi en quelques mots que c'était, qu'il était lui aussi un esprit brillant et précoce comme Marie Curie, que ce sont deux génies qui se sont rencontrés, si vous m'autorisez ce raccourci ou cette expression un peu lexicalisée, Jacqueline Belloni. Certainement, en tout cas, une formation atypique. Mmh. Atypique. Pierre, de son côté, aussi avait une formation scientifique certaine, un père médecin, etc. Mmh. Et avec son frère Jacques, une complicité lui faisait approfondir beaucoup de choses, tout en étant assez distant des aspects de carrière qui pouvaient peut-être lui être néfastes plus tard. Mais certainement, la rencontre avec Marie, qui était quelqu'un aussi d'assez désintéressé, qui ne pensait qu'à l'avancement de la science, au progrès, ce sont quand même deux esprits qui se sont rencontrés dans leur intérêt pour la science, et puis aussi à côté leur philosophie, je pense. Pour les deux familles, il y a énormément de similitudes dans les opinions. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h18, nous parlons donc de l'histoire de Marie Curie à l'occasion des 150 ans de sa naissance, hein, puisqu'elle est née un 7 novembre. Nous en parlons avec Jacqueline Belloni et Nathalie Huchette. On va donc aborder les travaux du couple Curie dans un premier temps, et puis de Marie Curie après le décès accidentel de Pierre. Pour aborder ces apports, hein, du couple Curie et leurs travaux sur la radioactivité, il faut, Jacqueline Belloni, remettre un peu de contexte historique et dire un mot des travaux d'Henri Becquerel sur la base des travaux lui-même de William Röntgen. Oui. Oui, c'est sûr qu'avec Röntgen s'ouvre une nouvelle ère, c'est-à-dire la découverte de rayonnements invisibles, mais extrêmement actifs. Alors, les rayonnements de Röntgen, déjà les rayons X, qui peuvent impressionner les plaques photographiques, qui peuvent rendre fluorescents certains composés, qui peuvent ioniser aussi l'air. Et ça fait évidemment poser beaucoup de questions. Et il y a des grandes discussions à l'Académie des sciences. Poincaré se demande si la fluorescence de certains composés et puis ce rayonnement, il n'y aurait pas un certain lien. Becquerel, qui est un spécialiste de la fluorescence, se met aussitôt à chercher du côté de ces composés, en particulier de l'uranium, si cela aussi pourrait, par exemple, au moment de la fluorescence, émettre des rayonnements invisibles. Mmh, mmh. Et bon, on connaît l'histoire. C'est en s'apercevant que des échantillons gardés à l'abri de la lumière, à l'abri du soleil, mais au contact de plaques photographiques qui étaient bien enveloppées pourtant. Donc à l'abri de la lumière complète. Absolument. Sans, voilà. Et ces plaques ont été voilées. Donc, en bon scientifique aussi, il a aussitôt cherché à comprendre, et ce n'est pas par hasard qu'elles étaient voilées, ça venait de la proximité de l'uranium, d'où la découverte des rayons uraniques, qu'on n'appelait pas encore radioactivité. Voilà, c'est ça. À l'origine, le nom proposé par Becquerel, ce sont les rayons uraniques. Peut-être redire aussi un mot de ce qu'est exactement la radioactivité naturelle, de ce qu'en comprend Becquerel, en tout cas au moment où il la constate, où il la découvre. Peu de choses. D'ailleurs, on voit un peu plus tard, encore en 98, on se pose vraiment beaucoup de questions sur l'origine de cette énergie. D'où vient-elle? Et je crois que c'est la toute première publication sur ce qu'on appellera la radioactivité de Marie Curie, où dans les dernières phrases, elle se demande si ce n'est pas le rayonnement qui vient de l'espace, un bombardement énergétique, qui serait retenu par les éléments les plus lourds et qui le restitueraient en somme. C'est, vous voyez, on était loin, Becquerel était encore loin de cette possible analyse d'où venaient ces rayonnements. Il y a une seule chose certaine, c'est que immédiatement ça a attiré l'attention des scientifiques, bien entendu, de Pierre sans doute et de tous les autres scientifiques, mais Marie, bien finalement encouragée par Pierre à préparer une thèse, eh bien décide de justement choisir ce sujet. Et là aussi, je trouve que c'est un trait sans caractère quand même d'aller choisir un sujet où on ne savait rien. C'était vraiment de la pure aventure. Et donc, elle pensait qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Voilà. Il faut préciser une dernière chose de contexte avant d'entrer dans ce travail, c'est que la notion d'atome, elle aussi, est quelque chose d'extrêmement récent dans l'histoire des sciences et encore relativement sujet à controverse. Absolument. L'atome de Bohr, c'est 1913. Enfin, donc, à l'époque des premiers travaux de Marie Curie à la fin du 19e siècle. Ce sont des concepts qui sont très novateurs encore, Jacqueline Belloni. Et si je peux mentionner justement cette toute première publication de Marie Curie, qu'elle a signée seule d'ailleurs. Et Pierre était là, bien sûr, puisque c'est lui qui lui a préparé, qui a mis à sa portée le fameux électromètre à cadran, extrêmement sensible, qui a permis à Marie d'étudier pour la première fois ce que Becquerel ne pouvait pas faire. Pour la première fois, d'étudier quantitativement cette émission. Eh bien, dans cette première publication, justement, elle a passé en revue, on va dire, beaucoup de composés de l'uranium, et un petit peu comme elle avait fait avec les aciers, si vous voulez. Elle a demandé dans les laboratoires autour d'elle tous les échantillons qu'elle pouvait examiner, mesurer leur activité, et c'est là qu'elle a compris qu'il y avait une activité bien supérieure pour les minerais d'uranium naturel, ou de thorium d'ailleurs, ou de thorium, alors que lorsque elle resynthétisait la chalcolite par exemple, artificiellement avec ce qu'on savait qu'il y avait dedans, c'est-à-dire de l'uranium et du cuivre, eh bien, on ne retrouvait pas cette activité. D'où, et je pense que c'est vraiment important, la conclusion assez audacieuse, qu'il y avait dans ce minerai un élément qui n'avait pas été encore trouvé par les chimistes, qui se trouvait probablement en petite quantité puisqu'il leur avait échappé, mais qui se trouvait avoir une activité bien plus forte que celle de l'uranium lui-même. Et pour revenir à votre notion d'atome, justement, cette publication se termine parce qu'elle avait examiné plusieurs composés et on voyait bien que l'activité était proportionnelle à la quantité d'uranium qu'il y avait dans chacun de ces composés. Et que c'était une propriété atomique. Ce n'était pas du tout une propriété chimique, liée à la propriété en chimique. Un mot peut-être, Nathalie Huchette, pour dire à quel point, et Jacqueline Belloni vient de l'expliquer brillamment, à quel point la pratique, la méthode, l'approche expérimentale de Marie Curie est nouvelle, même par rapport aux travaux de Becquerel. Oui, elle va choisir une méthode assez différente de celle de Becquerel. Alors, la dernière publication de Becquerel, il utilise déjà l'électromètre, mais elle, ce qu'elle va introduire, et surtout avec l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a dans son équipe, entre guillemets, elle a Pierre Curie. Un certain Pierre Curie, et qui est l'inventeur d'un instrument qui s'appelle la balance quartz piézoélectrique, qui est vraiment la spécificité de la mesure que Pierre et Marie Curie vont utiliser pour mesurer leurs différents échantillons et justement découvrir, en étudiant ce minerai qui s'appelle la pêche blinde, de nouveaux éléments chimiques. Eh bien justement, Nathalie Huchette, pour examiner cette pêche blinde, cette roche de pêche blinde grâce à ces appareils conçus par Pierre Curie, eh bien quoi de tel pour comprendre cette manipulation que d'aller la refaire, hein, c'est un protocole scientifique de réplication des expériences et c'est ce que nous avons voulu faire. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes allée à l'ESPCI et vous vous êtes prise, avouez-le quelques instants, pour Marie Curie. Oui, j'avoue, c'était mon rêve, mais en tout cas, le professeur André-Pierre Legrand de l'ESPCI a refait devant moi l'expérience de Pierre et Marie Curie. Comme vous dites, Nicolas, il ne faut pas oublier Pierre, car c'est lui qui a donné à Marie l'instrument qui a permis de faire des mesures quantitatives des rayonnements. L'instrument en question, on en a parlé, c'est l'électromètre qui mesure le courant électrique généré par un corps radioactif. Et grâce à cette expérience, pour la toute première fois, on pouvait mesurer quantitativement la radioactivité. Alors là, on se retrouve devant le dispositif expérimental qu'utilisaient Pierre et Marie Curie. Tout d'abord, il faut que je vous présente une source radioactive. Alors, j'approche un détecteur, un compteur, Geiger, si vous voulez, pour vous prouver que le produit que je vous montre, à savoir ce cadran d'entre les deux guerres, est radioactif légèrement. Donc là, il indique zéro, tout va bien. Mais maintenant, nous allons approcher les deux. Et là, on voit qu'effectivement, le cadran est bien radioactif. Voilà. Donc, cet appareil comprend deux instruments fondamentaux. Un premier appareil, celui-ci que vous voyez, ça s'appelle un électromètre. Ça veut dire un appareil qui est sensible à la présence de charges électriques. Pour vous montrer le principe de l'électromètre, je vais vous montrer ce morceau de métal en forme de nœud papillon, suspendu à un fil de coton. Et je vais approcher un bâton de plexiglas que je vais rendre un petit peu... En fait, on veut charger le bâton. Avec un petit chiffon. Nous l'approchons et vous voyez que... Le métal se met à bouger au contact du bâton chargé. L'électromètre, ce dispositif, ressent la présence de charge électrique. Qu'est-ce que Pierre et Marie Curie essaient de montrer avec ce dispositif? Alors, Pierre a étudié la piézoélectricité, il a expliqué avec son frère, et pour ce faire, il avait dû avoir un dispositif qui est sensible à la présence de charges électriques. C'est le grand cylindre que vous voyez là-bas, la démonstration qu'on vient de faire. Revenons maintenant à pourquoi cet appareil. Avant Pierre et Marie, Becquerel avait montré qu'un rayonnement nouveau sortait de minerais d'uranium. Mais il avait montré autre chose, que l'air était rendu conducteur au voisinage de ces minerais de pêche blinde. Donc le pêche blinde est une roche qui contient de l'uranium, entre autres. Et pas seulement, comme le montrera Marie Curie, mais aussi du radium. Donc, ionisation de l'air, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est rendu conducteur. Il faut donc, pour Pierre Curie, mesurer la quantité de charge électrique produite par un poids défini, mettons un gramme de produit, pour se rendre compte si cette roche est plus radioactive que sa voisine ou pas. Donc il faut se servir de l'électromètre pour ce faire. On veut passer de la mesure qualitative, oui, il y a beaucoup de radioactivité, il n'y en a pas beaucoup, on passe à combien, et pouvoir ainsi mettre des chiffres. Eh bien, nous allons faire une expérience. Je vais aller dans ce qu'on appelle une chambre d'ionisation. Vous allez me rejoindre, on va regarder. Ici, vous voyez ce qu'on appelle un condensateur. C'est simplement de l'air. Entre l'air, il y a deux cylindres conducteurs. Ces deux cylindres sont reliés aux deux extrémités d'une série de piles de 80 volts pour vous situer. Il y a un interrupteur, quelque part dans le montage, qui fait qu'on applique la tension entre les deux plaques. Et je vais donc placer le produit radioactif à l'intérieur de ce condensateur, baptisé chambre d'ionisation. Et ainsi, l'air va être un peu conducteur. Quand je mettrai l'interrupteur, à ce moment-là, les plaques plus et moins du condensateur reliées à la batterie, le point plus et le point moins, vont attirer d'un côté les ions chargés positivement, de l'autre côté les électrons. Et l'électromètre nous dira s'il y a beaucoup de courant ainsi créé ou pas, beaucoup de charge. Faisons l'expérience. Je vais mettre la tension appliquée sur les deux plaques du condensateur et les charges électriques créées par le produit radioactif vont être attirées et l'électromètre va observer l'apparition de ces charges électriques. Je l'ouvre maintenant. Eh bien, si vous voulez décrire ce qui se passe sur le spot. Là, on ferme le circuit et là on voit la lumière se déplacer. Régulièrement, le produit radioactif crée des charges en continu, charges plus et moins, qui s'accumulent sur les deux côtés du condensateur. Alors maintenant, on va faire autre chose. Vous avez vu, le cadran est radioactif. Quand j'approchais le détecteur, on entendait beaucoup de bruit, les rayonnements étaient captés. On va essayer d'atténuer ce rayonnement. Comment ? On va placer un écran. Et nous allons choisir ici du papier à cigarette qui n'est pas très épais et on va voir le phénomène. À vous de vous rendre compte maintenant si ça va plus vite ou moins vite. Donc là, on déclenche la tension et on voit que le spot se déplace bien moins vite que tout à l'heure. Donc la feuille de papier cigarette a pu absorber les rayonnements. A divisé par deux le rayonnement pratiquement. Oui, après il aurait fallu mesurer le temps pour se rendre bien compte. Donc le problème, c'est que l'appareil ne fait pas des mesures très quantitatives. L'innovation qu'a trouvé Pierre, ça sera le temps écoulé pendant lequel une charge définie en ayant mis un poids sur la balance piézoélectrique sera à comparer avec ce qui a été créé dans la chambre d'ionisation. Et voilà l'innovation considérable, vous voyez, il n'y avait aucun rapport entre la radioactivité et la piézoélectricité. Eh bien, l'association des deux fait un appareil nouveau qui a servi jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour mesurer la radioactivité. Voilà donc la fameuse, l'historique manipulation de Pierre et Marie Curie, refaite non pas devant vos yeux, mais sous vos oreilles. Une réaction, Jacqueline Belloni, à ce que vous venez d'entendre ? Cette manipulation, on nous l'apprenait, nous, dans les travaux pratiques. C'était la première année quand on était à l'Institut du Radium. Et je peux vous dire qu'elle est extrêmement délicate. Et je pense qu'il fallait quelqu'un comme Marie... Pour avoir maîtrisé si vite ce montage et en avoir tiré tout ce qui a été fait. C'était quand même une expérience qui n'était pas à la portée de n'importe quel étudiant de son âge, par exemple. Mais elle était très, très minutieuse, très attentive, très rigoureuse aussi. Et donc, c'est ce qui a fait ces résultats qui étaient tout à fait fiables et qui ont révolutionné la suite des sciences. Nathalie Huchette. Oui, effectivement, elle a fait preuve d'une grande dextérité. Même beaucoup de ses collaborateurs, à la suite à l'Institut du Radium, la décrivent comme effectivement très minutieuse et qu'elle est comme un pianiste. Elle exécute ça avec une telle dextérité, tel un pianiste. la polonaise en sol de Frédéric Chopin, ici interprété par Anne Kefelek, puisqu'on parlait d'une pianiste des sciences, elle en appelait un autre. Une question, Jacqueline Belloni, puisque nous parlons, pardon, je vous le rappelle, au cas où vous nous rejoignez, de Marie Curie tout au long de cette heure, en compagnie de Jacqueline Belloni, directrice de recherche émérite à l'Université Paris-Sud, au laboratoire de chimie Philippe Élise, et Nathalie Huchette, qui est co-commissaire de l'exposition Marie Curie, une femme au Panthéon, qui a commencé hier et qui dure jusqu'au 4 mars 2018, et également responsable de l'action culturelle et de la communication au musée Curie. Expliquez-nous un peu, puisqu'on a entendu juste avant Chopin ce reportage sur la fameuse manipulation de Pierre et Marie Curie, comment Pierre et Marie Curie arrivent à isoler non seulement le radium, mais le polonium. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat-là ? Parce que ça fait partie justement de ces bascules paradigmatiques extrêmement importantes dans le domaine de la chimie et de la radioactivité. Elle ne se contente pas d'identifier le radium, elle arrive à trouver deux composés différents avec des radioactivités, des niveaux de radioactivité extrêmement différents. Oui, alors effectivement, la série d'observations quantitatives ont juste permis de conclure, mais c'est une hypothèse bien entendu, mais l'hypothèse la plus raisonnable et absolument la plus logique, d'imaginer qu'il y a, à l'époque, il disait un élément nouveau qui était plus radioactif que l'uranium et qui se trouvait en quantité non détectée jusque-là par aucun chimiste. Ça, c'est le rasoir de Cam. Voilà. Sauf que pour les chimistes, prétendre découvrir un élément nouveau, c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand même. Et avant de pouvoir prétendre qu'il y a vraiment un élément, faut-il encore essayer de le séparer, de le montrer. Et ça, bien sûr, Marie et Pierre le savaient bien. Donc, il ne s'agissait pas seulement d'affirmer, mais il fallait maintenant montrer. Alors, comment on montre ? Et c'est là que les talents de chimiste de Marie sont entrés en jeu. Il faut quand même rappeler une chose. Quand on dit la licence de sciences physiques, par exemple, on a parlé de la licence de sciences physiques. La licence de sciences physiques consistait à apprendre la physique et la chimie, les deux autant, tout autant, parce que elles étaient destinées à l'enseigner plus tard. Donc, elle était une chimiste tout aussi minutieuse et habile qu'on a pu en parler pour ce qui était l'électromètre. Et donc, elle a commencé à lancer la séparation sur un échantillon de Pechblende. Et la séparation, c'était à l'époque, aujourd'hui on analyserait cela très facilement avec des tas de méthodes de physico-chimie, mais à l'époque, eh bien, c'était passé par toutes sortes de dissolutions à tac. On mettait en pratique toutes les connaissances de la chimie des siècles précédents pour arriver à séparer les éléments d'après leurs propriétés respectives. Donc, d'où des précipitations. Et puis, dans ce qui avait été séparé de la solution et de ce qui avait précipité, on mesurait chaque fois la radioactivité par gramme pour savoir où l'élément inconnu avait pu passer. Est-ce que c'était dans la partie soluble ou la partie soluble ? Et on reprenait le composé ou le mélange où il se trouvait pour procéder à d'autres séparations. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on sépare peu à peu. Et de ces travaux, il est apparu d'ailleurs assez vite. Ils ont annoncé en juillet la découverte d'un nouvel élément qui était le polonium, qui accompagnait le bismuth. Donc, les poloniums qu'ils avaient à l'époque étaient beaucoup entachés encore de bismuth. Ils n'étaient pas purs. Mais ils avaient déjà des fractions à côté qui étaient également assez radioactives pour supposer qu'il y avait un deuxième élément. Et ce sera le radium, qui sera donc dénommé par... parce qu'ils avaient pu enrichir les échantillons jusqu'à 900 fois plus que l'activité de l'uranium lui-même. Donc, et ça, c'était en décembre de la même année. Donc, on voit, dans la même année, 1900, 1898. On voit dans cette même année trois publications, assez courtes d'ailleurs, mais absolument qui vont révolutionner la suite, d'avoir affirmé qu'il y avait un élément nouveau, d'avoir identifié en juillet un premier, et puis un deuxième en décembre. Donc c'est quand même des résultats extraordinaires. Et en 1898, toujours dans ce flot de publications, de comprendre qu'il s'agit là d'une propriété générale de la matière. Oui, puisqu'il y avait aussi le thorium, qui avait aussi. Donc il y avait vraiment, il y avait du pain sur la planche. Et d'ailleurs, les autres scientifiques ne s'y sont pas trompés, parce que immédiatement, il y a eu d'autres recherches dans le monde, évidemment, à la suite de ces publications. Nathalie Huchette. Et effectivement, dans cette publication, Marie Curie pose la théorie atomique de la radioactivité. Et c'est Marie Curie qui a inventé le mot radioactivité pour donner un nom à ce phénomène qu'ils ont découvert. Après, ce seront d'autres. Qui s'appelle rayon uranique encore un peu avant. Voilà. Et ce seront d'autres qui vont prouver cette théorie, qui vont l'expliquer. L'expliquer beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Néanmoins, autre tour de force, et puis on va ensuite avancer un peu, parce que l'heure tourne dans la carrière et dans la vie de Marie Curie. Autre tour de force tout de même, c'est que Marie Curie parvient à déterminer la masse atomique et à insérer le radium dans le tableau de Mendeleïev, qui est encore un gruyère, dans lequel il y a encore beaucoup de trous. Ça, c'est un tour de force assez impressionnant, Jacqueline Belloni. Oui, l'introduction dans le tableau de Mendeleïev, elle découle très vite quand même des propriétés. Le polonium, on voit bien qu'il a les propriétés du bismuth, et là il y avait une case manquante. Le radium avait les propriétés du barium, donc on voit bien aussi, et les échantillons qui étaient de plus en plus riches en radium étaient de plus en plus lourds aussi. Donc, on voyait bien qu'il était dans la case au-dessus du barium. Donc, la place dans le tableau de Mendeleïev, elle a été trouvée très vite. Maintenant, trouver le poids atomique de ces nouveaux éléments, c'est un tour de force. C'était surtout le résultat des qualités de Marie qui a bien compris depuis le début que ces deux éléments étaient en quantité très faible. C'est de l'ordre du millionième pour le radium par rapport à l'uranium. Et donc que les travaux de séparation seraient absolument très très longs pour arriver à un radium ou un polonium pur. Travaux qu'elle va finir par faire, et on va y revenir puisque ce sera son deuxième prix Nobel, premier prix Nobel de physique 1901 pour Pierre et Marie Curie et Becquerel, parce qu'il faut se souvenir que Becquerel est récompensé par le prix Nobel à cette époque. J'aimerais qu'on dise un mot avec vous, Nathalie Huchette, de quelque chose tout de même d'important qui va dans le sens de la volonté de transmission et d'enseigner qui ne quittera jamais Marie Curie jusqu'à la fin. C'est que, profitant de ce prix Nobel, profitant de sa renommée, profitant de ses travaux et du rayonnement de ses travaux, elle va fonder un certain nombre d'instituts avec notamment Jean Perrin et Paul Angemin, une coopérative d'enseignement en 1907. Elle va être, on l'a dit, à la suite à la mort de Pierre Curie, qui meurt d'un accident en 1906, renversé par une voiture. Elle va devenir chargée de cours à la Sorbonne et devenir la première femme professeure. Elle ne cesse de vouloir transmettre ses savoirs, de revenir à cela. Et pour une femme au tout début du XXe siècle, c'est révolutionnaire. Oui, donc effectivement, à la mort de Pierre Curie, elle va reprendre l'enseignement de Pierre Curie à la Sorbonne. Et en 1908, elle obtient la chaire. Elle devient la première femme professeure à la Sorbonne. Et effectivement, cette dimension d'enseignement est toujours très présente dans toute son œuvre. Également, mais un enseignement aussi, elle va... Par exemple, elle est professeure de physique à l'École normale des jeunes filles de Sèvres. Et une de ses étudiantes raconte qu'elle elle pensait qu'à l'époque, la physique s'apprenait dans les livres. Mais avec Marie Curie, elles vont avoir un professeur qui va mettre l'expérimentation, l'expérience au cœur de son enseignement. Et dans cette coopérative qu'elle a créée plus tard, en 1907, pour sa fille et les enfants de ses amis... Irène Joliot-Curie, qui est née en 1897, peu de temps après son mariage. Pareil, elle va enseigner la physique et elle va imaginer des leçons de physique où il faut manipuler, faire des expériences Voilà. À l'adresse des enfants, mais Jacqueline Belloni, cette approche expérimentale, là aussi, il faut dire que c'est quelque chose de très nouveau, qu'on sort de la physique théorique, qu'on sort de la physique que vous décriviez, où on apprend dans les livres un corpus théorique. Marie Curie a vraiment la volonté d'aller à la paillasse, d'aller au laboratoire, de démontrer par la preuve physique et chimique. De toute façon, les théories ne suffisent pas, en l'occurrence, parce que, bien sûr, prétendre qu'il y a des éléments nouveaux, si vous ne les montrez pas, si vous ne les séparez pas, si vous ne déterminez pas le poids atomique, bon, non, mais dans l'enseignement, pas. Dans l'enseignement. Alors, de la physique, c'est dans, là que je voulais pointer. Dans l'enseignement, c'est sûr qu'elle a voulu transmettre ce qu'elle a ressenti elle-même, c'est-à-dire que la connaissance des choses et puis la curiosité aussi. Il faut pas oublier la curiosité qui est un moteur de la recherche, de transmettre par toucher, expérimenter et non pas seulement apprendre d'une manière livresque, ça c'est certain. Alors, pour vous donner tout de même l'ampleur du bouleversement que ça représente, je le citais tout à l'heure très brièvement dans mon introduction, je ne résiste pas au plaisir de vous citer, au plaisir, je ne sais pas, en tout cas, au témoignage de cet extrait d'article de journal au moment où Marie Curie entre en tant que professeure à la Sorbonne. C'est une grande victoire féministe, écrit-on, que nous célébrons en ce jour, car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Oui, effectivement. Non, ça prête à rire, mais ça dit quelque chose de l'importance de ce bouleversement d'une femme professeure à la Sorbonne, de Marie Curie, prix Nobel, qui devient enseignante pour les deux sexes, qui peut apprendre aux hommes, mon Dieu. Oui, voilà, qui peut enseigner, oui, effectivement, aux étudiants des deux sexes. Et oui, elle a ouvert une voie après pour les femmes dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur. Parcourons un peu et continuons la suite. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Jacqueline Belloni, la suite de ses recherches et les travaux qui lui vaudront le prix Nobel de chimie, c'est précisément d'avoir réussi à isoler un gramme de radium sous forme de métal pur. Et là aussi, c'est un tour de force physico-chimique, oui, mais dans la version chimique de la manipulation. Alors, il faut quand même dire que elle n'a pas non plus séparé. Elle a commencé sur des décigrammes à enrichir beaucoup des échantillons de telle façon que elle a pu approcher de plus en plus le poids atomique du radium à 225. C'est vraiment déjà un tour de force. C'est 226 aujourd'hui. Vous voyez, c'est très très proche. Et puis elle a continué encore à purifier plus tard et s'approcher de 226, c'était 226,2 je crois qu'elle disait. Mais c'est surtout une minutie dans tout ce travail de séparation qui lui a permis de faire ce travail. Mais elle a aussi sur des échantillons très grands, parce que entre-temps, faut quand même dire, avant le deuxième prix Nobel, déjà du temps de Becquerel et de Pierre Curie, on s'était rendu compte que ces rayonnements pouvaient avoir une action extrêmement nocive sur des tumeurs. Donc on a pensé à l'utiliser comme moyen thérapeutique. Donc le radium, très vite, a eu une importance énorme. Alors pas le polonium, parce que le polonium se trouve être décroître, c'est-à-dire se désintégrer beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'en quelques mois, on n'a plus que la moitié du polonium qu'on avait péniblement séparé quelques mois plus tôt. Alors que le radium a une durée de vie beaucoup plus longue et donc pouvait être employé tout à fait. Et ça a été d'ailleurs le rôle de la partie de la partie radiobiologie de l'Institut du radium. Donc, cette séparation très, très importante, elle a intéressé des industriels. Certains de ces industriels avaient même été formés chez Marie Curie. Avec Pierre, ils avaient largement diffusé la méthode, le protocole, de façon à ce que ce soit possible de faire ces opérations largement sans prendre de brevet. Hein, ça, c'est la générosité du couple Curie. Et donc, pour les séparations plus importantes en quantité, donc elle était en relation avec des industriels qui faisaient les opérations les plus pénibles, les plus lourdes. Mmh. Elle se réservait juste les dernières purifications. Mmh. Puisque vous évoquez les effets néfastes, 1911, c'est la date de son prix Nobel de chimie. C'est aussi la date où on commence à lui diagnostiquer des problèmes aux reins. Nathalie Huchette et ses premiers problèmes de santé. Oui, de toute façon, tout le long de sa vie, elle fait part de problèmes de santé. Elle avait le bout des doigts brûlés. Et puis, y a une lettre où elle écrit à sa sœur dans les années 1920 où elle dit qu'elle est constamment sujette à des bourdonnements d'oreilles, à des problèmes de vue et qu'elle soupçonne que le radium y est pour quelque chose. Et effectivement, ça prendra un peu de temps pour qu'on comprenne les dangers du radium. Elle manipule pas du radium en quantité énorme, mais elle va y être exposée pendant de très très longues années. Mmh. On avance aussi, puisque vous en parliez, Jacqueline Belloni, effectivement, ce radium va être investi de propriétés médicales, parfois d'ailleurs assez folles. Hein. Il y a toute une époque du radium triomphant où on met du radium partout, on vend des produits radium comme crème de beauté. Mais avant ça, de manière plus importante, je vous dis, prix Nobel de chimie en 1911, on est à l'orée de la Seconde Guerre mondiale et c'est un des apports très importants aussi de Marie Curie dans la Première Guerre mondiale, c'est d'utiliser ses travaux sur les rayons X évidemment et sur la radioactivité, sur le radium, pour pouvoir sur les rayons X principalement, en tout cas pour pouvoir créer ces postes de radiographie mobile qu'on appellera les petites Curie. Oui, je ne dirais pas que ce sont ses travaux sur la radioactivité, c'est plutôt ses connaissances, de physicienne. Et sur les rayons X et sur la possibilité avec les rayons X de faire des détections des blessures des shrapnels, des impacts de balles, absolument. Aider les médecins à trouver ces balles ou les fractures des blessés et intervenir le plus vite possible pour essayer de les sauver. Donc elle a mis de côté complètement sa recherche, elle le dit d'ailleurs, elle a mis sa recherche pour se consacrer à quelque chose de beaucoup plus important, qui était immédiat, et qui était de servir son pays d'adoption. Et c'est ce qu'elle a fait, en très bonne organisatrice, comme elle l'avait déjà prouvé en recherchant les fonds pour créer un nouveau laboratoire, donc l'Institut du Radium qui venait justement à peine d'être fondé, construit. Oui. Et elle a mis ses qualités d'organisatrice pour réunir le plus possible d'instruments de radiologie qui pouvaient être soit dans les hôpitaux, soit chez des médecins même. Mais les médecins étaient au front à ce moment-là. Et pour les rendre mobiles et les amener sur le front pour intervenir le plus vite possible. Nathalie Huchette. Oui, voilà, effectivement, elle va développer des unités mobiles de radiologie que plus tard on va appeler les petites Curie. C'est les voitures que vraiment Marie Curie elle-même a créées. Il faut savoir qu'au tout début de la Première Guerre mondiale, la radiologie, est une discipline qui n'est pas encore enseignée à la faculté de médecine. Le service de santé des armées dispose d'une seule voiture radiologique et elle va créer ces unités mobiles. Et là, la dimension d'enseignement aussi très vite va revenir puisque elle va aller elle-même sur le front avec sa voiture. Sa petite Curie, faire des radiographies. Elle va faire elle-même l'examen de plus de 1000 blessés. Et après, la tâche, ça va être de convaincre les médecins de l'utilité de cette technique et aussi de former des infirmières, des médecins. Et ensuite, elle va utiliser son nouvel institut du radium et elle va faire une école où elle va former des femmes. Alors, il faut qu'elles soient instruites et qu'elles aient des notions élémentaires de géométrie et d'algèbre pour pouvoir ensuite pratiquer la radiologie. Mmh. Et sa fille, Irène Curie, qui a 17 ans, l'accompagne et va aussi former cette brigade d'infirmières radiologistes de la Croix-Rouge. C'est-à-dire que non contente d'avoir eu un prix Nobel de physique, un prix Nobel de chimie, d'avoir travaillé dans un domaine physico-chimique, Marie Curie fait aussi la jonction avec la médecine et ouvre un pan de la médecine, de la radiologie que l'on lui doit aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui que l'Institut Curie a gardé cette double vocation-là. Oui. Alors, bon, il y avait son rôle évidemment dans la détection des blessures pendant la guerre, mais pour ce qui est de la radiothérapie, puisque c'est ce qui est devenu, pardon, elle a surtout contribué en préparant des sources très très nombreuses. Prenez un peu, voilà, il y a une petite bouteille d'eau. Un mot, puisqu'il nous reste de toute façon que quelques minutes, et on voit bien qu'il y aurait au moins deux ou trois émissions supplémentaires à consacrer à la carrière de Marie Curie et à son héritage. Peut-être un mot de dire sur la dimension internationale, sur les relations internationales qu'elle va développer après la guerre. On sait qu'elle va côtoyer Einstein, aux côtés duquel elle va s'engager dans la Commission internationale de coopération intellectuelle. Si ses travaux ont évidemment un rayonnement international immédiat, comme on l'a entendu, elle va vraiment passer la fin de sa carrière à parcourir le monde, toujours avec cette volonté de transmission, de faire le lien entre les différentes disciplines, de rencontrer les grands chercheurs de son époque, Nathalie Huchette. Oui, et puis par exemple, elle participe au premier congrès de physique Solvay en 1911, où elle est la seule femme, et elle sera la seule femme d'ailleurs pendant très longtemps à ces congrès, où se retrouve tous les physiciens, enfin il y a une année c'est la physique, une année c'est la chimie, où se retrouvent les physiciens qui discutent des grandes questions de l'époque dans le domaine de la physique. La physique quantique va s'élaborer dans ces congrès Solvay, donc il y a la majorité sont des prix Nobel ou des futurs prix Nobel. Plus tard, il y a également sa fille Irène Curie qui fera partie de ces conseils Solvay. Et pour la commission de coopération internationale de la Société des Nations, elle va y participer pour défendre la culture, la coopération internationale, la paix, et défendre aussi, puisque la recherche n'est pas encore vraiment structurée à cette époque, ce qu'elle appelle un droit d'auteur pour les chercheurs, pour qu'ils puissent faire leur travail en dehors de toute contrainte matérielle. Voilà, elle défend la science et la recherche à la fin de sa vie. Eh bien, vous voyez, on n'a pas eu assez d'une heure pour tout évoquer. Nous avons essayé, en tout cas, de retracer une sorte de panorama biographique et scientifique de la carrière de Marie Curie. Merci beaucoup, Jacqueline Belloni. Merci, Nathalie Huchette, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Hugo Bartholomé, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Yanis Djoudad à la technique et Victor Buton au droit d'auteur.